France Inter, le 13-14. Nous replongeons donc dans les nuits avec votre vif de l'histoire Jean Lebrun à l'affiche au cinéma en ce moment, Les Passagers de la Nuit, film qui raconte l'histoire d'une femme dans les années 80 qui entre comme standardiste à Radio France pour une émission très tardive tenue par une certaine Vanda qui rappelle Macha Béranger. Et c'est l'occasion pour vous Jean d'évoquer ce que fut la haute époque des directs nocturnes à la radio. Grâce à un livre très documenté, Marine Beccarelli, Micro de nuit. Alors, l'histoire de la radio, souligne-t-elle, c'est d'abord une histoire des techniques. Si les micros de nuit ont tant attiré Macha, à 0 heure, au meilleur moment, 500 000 auditeurs, c'est qu'on a su les rendre sensibles aux inflexions de la voix, celle d'Aline, par exemple, qui a pratiqué la nuit. C'est aussi parce qu'est survenu le transistor. Adolescent, jeune Bruno, nous pouvions ainsi écouter sous les draps la joue contre la voix qui sortait de notre poste et qui nous parlait à nous personnellement. Il a fallu aussi la généralisation de l'autoradio et du téléphone qui a permis par exemple de faire route de nuit sur Inter, puis sur RTL, les routiers sont sympas. Le premier film à faire apparaître Macha était signé Claude Ventura. Il montrait un gardien de parking qui d'une main lui téléphonait « Allô, Macha ?» et de l'autre tendait un ticket à une voiture qui sortait et le conducteur montait le son de l'autoradio. C'était « Allô, Macha ?» Et « Passager de la nuit », c'est au moins le troisième film où figure, entre guillemets, Macha Béranger. Alors que, et le livre de Marine Beccarelli a raison de le rappeler, elle n'est pas la première à tenir le rôle de grande oreille attentive. Il y a eu d'abord Gonzague Saint-Brie, ligne ouverte sur Europe 1 dès 75 jusqu'en 80. Une glossienne de Satie servait de générique, puis Saint-Brie, plus neutre, moins intervenante Macha, laissait entendre une voix anonyme. Il reste de sa ligne ouverte beaucoup moins d'archives que de Macha, mais Saint-Brie rappelait que, à l'écouter, il y eut parmi ses intervenants une caissière de cinéma porno, une jeune fille heureuse d'avoir fait l'amour pour la première fois et même un cambrioleur qui avait interrompu son travail parce que l'appartement était très tranquille. Et l'avantage des émissions nocturnes, c'est qu'elles permettaient la confidence parce qu'elles se déroulaient sans témoin. Mais non, Marine Beccarelli signale que nombre d'entre elles accueillirent du public, à commencer par Macha. Les règles de sécurité n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Le pop club de José Arthur se tenait dans le fameux bar noir de la Maison Ronde, qu'on pouvait rejoindre à peu près comme on voulait. Être accompagné d'une bouteille d'alcool facilitait le passage. Une nuit, dans ces années 70, un membre du SAC, une officine d'extrême droite, entra même avec un poignard et un pistolet, menaçant de tuer tout le monde. Et, en 74, sur RTL, la prise d'otage par un auditeur de Max Meynier, l'animateur des routiers sont sympas, fut très spectaculaire. Elle dura de 23h à 3h, la direction d'antenne n'ayant d'autre choix que de maintenir le direct. Et cette nuit-là, le suspense tint l'auditeur en éveil. La règle était plutôt de le laisser aller à la rêverie. Jean Couturier a produit sur France Culture Écriture de nuit. Pas de présentation au début, ni d'ailleurs de fin. Ça se tenait au bord du sommeil, aussi bien au milieu, dans l'incertain. Vous interveniez à 3h du matin pour un flash ? 2h, 3h, 4h. Il arrivait à Macha de dégrafer son corsage devant le journaliste à cette heure-là. Mais José Arthur, lui, soutenait que le jour, on entend seulement, alors que la nuit, on peut mieux écouter. Dans l'obscurité, l'oreille est comme l'œil perçant d'un chat. Et en effet, les choses de la nuit, l'émission de Jean-Charles Asquero, méritent d'être vues parce qu'elles avancent souvent nues. Oui, mais après l'âge d'or, les dirigeants des radios ont dit « ne te promène pas toute nue ». Oui, mais c'est pas la sensualité ni l'érotisation progressive des programmes qui leur ont nui, mais la concurrence de la télé nocturne, du magnétoscope, aujourd'hui des plateformes de films et de séries, et les mille et une ressources du podcast. Le préfacier de Marine Beccarelli, Pascal Horry, écrit « La dernière liberté des auditeurs, ça a été d'aller chercher ailleurs. » Jean Lebrun, le vif de l'histoire, et donc on se réfère au Passager de la nuit de Michael Kers pour le cinéma avec Charlotte Gainsbourg, et pour les lecteurs, donc Marine Beccarelli, Micro nocturne, histoire de la radio de nuit en France, c'est aux presses universitaires de Rennes. France Inter.